Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. La pandémie a bouleversé nos manières de vivre avec la disparition de la bise, la disparition de la poignée de main, avec le port du masque aussi. Elle a accéléré des phénomènes qui existaient déjà et c'est le cas du télétravail, le télétravail qui s'est imposé. Eh bien, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à une histoire du travail à domicile. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Est-il imaginable que nous devenions tous d'ici peu des chambrelans ? Alors ça, c'est chamboulant. Le chambrelan est celui qui travaille en chambre. C'est un ouvrier, un artisan qui produit à domicile. L'écrivain Petrus Borel a 24 ans en 1833 quand il fait paraître « Champ à verre », un ouvrage sous-titré « Contes immoraux ». Et en effet, c'est immoral, il est question d'exploitation. Il écrit « Le marchand détrousse le chambrelan détrousse l'ouvrier et l'ouvrier meurt de faim ». Dans le grand dictionnaire de Littré au 19e siècle, il est dit que le mot chambrelan est populaire et peu usité. Mazette, il mérite d'être populaire, tant la mode aujourd'hui est au télétravail. L'histoire du travail à domicile, avant l'ère du télétravail, oui, le travail à domicile. Vous savez, quand ils ne sont pas dans les champs, les paysans fabriquent des couteaux, des horloges, ils fabriquent du tissu. Ce sont les paysans hors champ. Avec vous, Didier Terrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en histoire moderne et contemporaine. Vous avez travaillé à l'université de Valenciennes, qui ne s'appelle plus Université de Valenciennes. C'est quoi le nom maintenant ? Mais l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Voilà, et vous êtes spécialiste de ces populations laborieuses du nord de la France. Vous avez publié récemment « Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale, 14e siècle, 19e siècle » avec Corinne Maître. Et dans ce regard que vous portez au monde du travail, vous êtes intéressé à la proto-industrie. Nous allons définir le mot. Vous avez écrit hein, « Les tisserands du Cambrésis et du Saint-Quentinois ». Donc nous sommes plutôt au 18e siècle et 19e siècle, les deux âges de la proto-industrie. Dites-nous, Didier Terrier, les paysans rythment leur travail selon le calendrier. Et il y a ces périodes d'hiver où le travail des champs ben, s'arrête. Et c'est à ce moment-là que se développe un travail à domicile qui, en réalité, couvre l'ensemble de l'année. Le travail à domicile pour les paysans est une réalité. Le travail à domicile est une réalité depuis toujours parce que les paysans ne se sont jamais contentés du travail de la terre. Cette idée a surtout été propagée, et l'idée selon laquelle ils seraient des professionnels, et en l'occurrence donc des agriculteurs, au cours des Trente Glorieuses, notamment quand il s'est agi pour la FNSEA de promouvoir la profession et de ne plus qualifier les hommes de la terre des paysans, mais des agriculteurs. Et il a fallu la crise des grands modèles macroéconomiques pour que l'on se remette à penser précisément la pluriactivité d'une manière générale et la proto-industrie plus particulièrement. Voilà, nous utilisons ces mots-là, hein, pluriactivité, nous voyons très bien ce que cela peut vouloir dire. Pluriactivité, le paysan a plusieurs activités bah, liées au travail dans les champs, et puis liées quand il est dans son atelier, parce qu'il faut réparer les outils qui lui servent dans les champs. Et puis parfois, il produit autre chose qui ne sont pas directement utiles à sa profession, à son métier, à l'agriculture. Et c'est cette autre chose qui nous intéresse également. Et là, tout de suite, mais ça évoque plein de choses, à plein de gens, il y a les couteaux. Les couteaux qui sont fabriqués, alors Thiers, Laguiole, il y a l'horlogerie. Il y a plein de choses qui sont fabriquées à domicile, qui ne sont pas directement liées au monde paysan tel qu'on peut l'entendre, cultiver la terre. Oui, étant entendu quand même que les principales productions sont des productions textiles. Et que deuxièmement, nous sommes déjà en train de parler d'individus qui travaillent alors qu'il faut penser la pluriactivité dans un cadre familial. Elle est dans un cadre familial élargi la plupart du temps et à l'échelle de plusieurs générations. C'est ce qui veut dire que la pluriactivité, c'est une réalité extrêmement mouvante qui peut prendre des aspects extrêmement différents d'une région à une autre, d'une période à l'autre également. Et la proto-industrie, de manière plus spécifique, je dirais que c'est un mot qui a été forgé par l'historien américain Mendels à la fin des années 70 et comment dirais-je amplifié au cours des années 80. Voilà, donc la proto-industrie est un mot qu'il faut définir. Ce mot de proto-industrie, Didier Terrier, comment le définiriez-vous? Proto, nous entendons bien que nous sommes à l'origine de quelque chose et l'industrie, ça, nous voyons ce que c'est. Mais c'est le avant l'industrie, en fait, c'est beaucoup plus complexe parce que ça draine l'ensemble de la société en plus qu'un phénomène économique. Voilà, c'était Mendels a proposé un nouveau modèle de développement économique en créant justement, en forgeant cette notion, qui d'ailleurs a été reprise par des historiens allemands comme Hans Medick et Jürgen Schlumbaum, par exemple, à Göttingen en Allemagne, où qui a également été naturalisé en quelque sorte en France, notamment à l'université de Lille sous la houlette d'un grand historien qui était Pierre Deuillon. Et cela désigne toutes les productions qui sont initiés par des donneurs d'ordre, qui sont des marchands fabricants, qui sont à la ville, qui distribuent le travail dans les campagnes à des ouvriers ruraux, lesquels fabriquent des objets qui sont destinés aux grands marchés extra-régionaux et internationaux. Alors depuis lors, la proto-industrie a pris un sens beaucoup plus extensif. C'est-à-dire qu'elle s'est mise aussi à désigner pour certains historiens, les travaux qui se sont déroulés dans les villes dès lors qu'ils étaient en chambre, vous avez parlé des chambrelans, ou bien les travaux qui ont à domicile, qui ont perduré et en ville et dans les campagnes jusqu'au XXe siècle. Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est ce temps très long et de voir que la rupture en fait est extrêmement récente. Hein. C'est l'après-Seconde Guerre mondiale où l'on met en place cette figure de l'agriculteur alors que le paysan a toujours été lié à plusieurs activités, à plusieurs réseaux économiques. Et je vous propose de faire un petit tour dans le Haut-Jura à travers la troisième chaîne de la télévision française. C'était FR3 le 22 novembre 1979. Lorsqu'arrive la saison morte, tout change. Lorsqu'arrive la saison morte, on devine que tout va changer. Le paysage se transforme insensiblement et prend jour après jour cette allure qui fait le charme de l'automne. Prairies humides où les gouttes d'eau restent suspendues aux herbes sèches, signe probable que l'hiver n'est pas loin. Ceux qui habitent là, à plus de 1000 mètres, ne s'y trompent pas. Ils savent, pour vivre l'année durant au rythme des saisons, qu'il va falloir bientôt conduire leurs troupeaux à l'étable, qu'il faudra renoncer bientôt à travailler dans les champs. Bref, qu'il faudra trouver d'autres occupations. Monsieur Vincent, ici dans le Haut-Jura, l'hiver, ça commence à partir de quand? Oui, il commence à partir de maintenant. On a déjà vu, il y a deux ou trois ans, l'année, j'ai venu le 22 septembre, qui a commencé. Et les gens, l'hiver, ils s'occupent comment? Ben, autrefois, j'étais lapidaire. Maintenant, ça se fait en usine. Voilà, maintenant, ça se fait en usine, mais autrefois, bon, on faisait tout à la maison. Et dans ce tout à la maison, il y a tout un secteur économique qui est vraiment lié à ce monde paysan, Didier Terrier, c'est celui du textile. Il faut vraiment souligner l'importance. Aujourd'hui, quand nous regardons les étiquettes de nos vêtements, nous nous rendons compte qu'il y a peu de choses fabriquées encore en France. Mais auparavant, tout ce qui était vêtements, textiles, tissus, la couture, la dentelle, la broderie, en fait, n'était pas fabriqué à des endroits précis. C'était fabriqué partout, dans les fermes. Oui. Alors, il faut distinguer, me semble-t-il, tous les textiles qui sont fabriqués à partir des matières premières qui sont disponibles sur place. Je pense au lin, au chanvre, à la laine, globalement de médiocre qualité, et tous les textiles qui sont fabriqués à partir des matières premières importées, la belle laine mérinos, par exemple, qui vient d'Espagne, ou bien encore, évidemment, le coton. C'est important de prendre cet exemple du textile sous cet angle-là, parce que ça permet de bien dissocier deux types d'organisation du travail. Dans le premier cas, on a affaire à ce que les Allemands appellent le Kaufsystem. Dans le second cas, c'est ce que l'on appelle, toujours en allemand, du Verlagssystem. Le Kaufsystem, ce sont les moments ou les périodes où ces ouvriers paysans se fournissent eux-mêmes en matières premières et gèrent eux-mêmes la vente de leurs produits. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir une saisonnalité du travail que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, donc Didier Terrier, on peut dire que dans ce système que vous utilisez sous le nom allemand, donc le Kauf System, le paysan donc peut même produire, par exemple, sa laine, s'il a des moutons, ça peut être sa propre laine, ou il achète de la laine chez un voisin. Il peut produire sa propre laine, il peut acheter la laine du voisin. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il soit économiquement, financièrement capable de se pourvoir justement en matière première. D'où déjà un élément de différenciation. Il y a ceux qui auront la possibilité d'acheter des laines, d'autres qui seront obligés de travailler pour un autre paysan ayant acheté les laines pour eux. Ce qui veut dire qu'on va déjà avoir une sorte de reproduction dans les campagnes et au village des rapports sociaux de production qui existent à une échelle plus importante entre le donneur d'ordre et le preneur d'ordre. Et une fois qu'il a sa laine, il tisse à la maison. Et puis après, donc, il va vendre lui-même au marché, par exemple, sa production. Alors, il va vendre, c'est pas toujours si simple que ça. Pour les productions de médiocre qualité, il n'y a pas de règlement. Souvenez-vous, des règlements colbertiens qui vont imposer, je dirais, de la tenue, de la grande qualité aux produits qui vont recevoir la marque. Auquel cas, il faudra obtenir une sorte de certification de très bonne qualité pour pouvoir ensuite négocier sa marchandise, étant entendu qu'elle a pu très bien être vendue initialement, déjà avant la marque. Mais ensuite, on va dire que ce sont les petits arrangements du marché. Et on a un système là que nous pouvons concevoir intellectuellement. Alors c'est vrai qu'il est plus complexe que simplement le paysan a deux moutons, il prend la laine, il fait un pull et puis il va vendre le pull. On voit bien, c'est plus compliqué. Vous nous l'avez dit, Didier Terrier, il y a des réglementations. On ne peut pas vendre comme ça quelque chose si on n'a pas dans un système de corporation l'autorisation de le faire. Et il y a un autre système qui est plus complexe, celui-là, et que vous présentez sous son nom allemand, et que je vais essayer de bien prononcer, c'est le Verlag System. Oui, alors le Verlag System, disons que il s'installe évidemment lorsqu'il est question, je disais, d'importer des matières premières, ce qui suppose une surface financière que dans les campagnes on n'a pas, et le Verlag System va, me semble-t-il, transformer complètement les rapports entre les uns et les autres, puisque cette fois-ci, on voit s'introduire dans les campagnes, je dirais, une forme d'organisation du travail beaucoup plus dirigiste, avec de la matière première qui est remise, dont l'utilisation est parfaitement surveillée parce qu'il y a toujours des problèmes de filouterie, dirons-nous. On a tendance à mettre un peu de belle laine sur le côté. Et puis, tout ceci s'accompagne de la présence au village de contremaîtres qui sont l'œil du maître lorsqu'il s'agit de surveiller la bonne qualité de cette production. D'autant plus, vous parliez de corporation, mais la marque ne passe pas nécessairement par des structures, la structure des métiers qui concerne plutôt la ville. Il suffit simplement dans les campagnes d'avoir une attestation selon laquelle ce que l'on a produit est conforme au règlement et se trouve être de la qualité. Mais à la fin du XVIIIe siècle est inventé, je passe sur les détails, ce que l'on appelle une marque de liberté qui permet précisément de s'adapter de manière beaucoup plus souple au marché et qui donne finalement l'autorisation de surmonter la réglementation. Voilà, surmonter la réglementation, c'est vrai qu'il y a à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1760, déjà certaines possibilités de commercer un peu plus, mais le commerce est encore extrêmement contraint, avec toujours cette question, dès que nous parlons de travail, c'est de la rémunération. Alors ici, disons-le, il n'est pas question de rémunérer autant de travail, c'est à la pièce principalement. Alors effectivement, c'est de la rémunération à la pièce. C'est de la rémunération à la pièce. Et il nous est très difficile justement de reconstituer les revenus de ces gens. En fait, pour reconstituer ou se faire une idée des niveaux de vie, il faut aller regarder, me semble-t-il, du côté des consommations et de l'achat des choses banales, mais aussi du côté du marché foncier. Vous avez des paysans ouvriers qui parviennent à s'enrichir, même, enfin s'enrichir, le mot est peut-être un peu forcés, qui parviennent à acquérir quelques lopins de terre lorsqu'ils sont faiblement possessionnés initialement, et vous avez ceux qui, au contraire, pour lutter contre la misère, sont obligés de vendre. Et on peut ainsi déterminer dans les villages qui s'enrichit petitement, qui, au contraire, entame un processus d'appauvrissement qui va ensuite s'amplifier au cours du XIXe siècle, tout au moins dans certaines régions, puisqu'il y en a, il y a d'autres régions où ça ne se passe pas comme ça, et où la pluriactivité en général et la proto-industrie en particulier vont permettre le maintien sur place des populations et d'éviter ainsi cet arrachement que constitue l'exode rural. Oui, c'est ça qui est passionnant avec ce système de travail à domicile, pour le dire de manière extrêmement large, c'est que ce même mouvement peut produire deux schémas de vie, c'est-à-dire pour certains un enrichissement et pour d'autres un appauvrissement, parce que ce complément de revenus est sans cesse une quête qu'il est difficile à atteindre et qui prend du temps sur d'autres aspects du travail de paysan. Et certains, comme on le disait, réussissent. Et aujourd'hui, ces réussites, nous les connaissons bien, elles nous fascinent. Ce sont par exemple celles des couteaux de qualité qui étaient présentés dans une émission de l'ORTF le 21 février 1966. Nous sommes à Laguiole, dans l'Aveyron, une petite ville paisible, connue pour la production des couteaux de qualité. Aujourd'hui encore, dans son atelier, Pierre Calmels continue la tradition familiale. Car c'est une tradition, n'est-ce pas? Oui, depuis 1829. C'est-à-dire c'est votre arrière-grand-père? Mon arrière-grand-père qui a créé le modèle et le couteau que l'on appelle le couteau de Laguiole. À ce moment-là, il y avait plusieurs fabricants ici. Nous étions trois ou quatre. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis le seul. Et comment expliquez-vous cette disparition? C'est-à-dire que le couteau de nos jours n'est plus utilisé comme autrefois. On ne porte plus un couteau dans sa poche et il se trouve qu'on est obligé de raréfier un peu la production. Toutefois, nous avons conservé notre couteau qui est toujours à l'état artisanal, mais dans un couteau qui est à la fois utilitaire et de luxe. Il faut vraiment être un amateur du beau et du bon. Voilà, le beau et le bon à propos de ces couteaux de Laguiole. C'était dans une émission de 1966. Didier Terrier, dans cette évocation familiale de l'arrière-grand-père. Mais ce mot tradition familiale, dans le mot famille, c'est pas juste l'arrière-grand-père. C'est une famille, c'est un groupe, une famille. Et il y a notamment la place des femmes qui est essentielle dans cette pluriactivité du monde paysan. Alors, la place des femmes est essentielle, mais il faut bien reconnaître qu'on l'a redécouverte seulement depuis, on va dire, une décennie, éventuellement deux. Il a fallu que des historiennes américaines, notamment, arrivent en France et travaillent sur ces questions pour nous rappeler que, même si les femmes n'étaient pas très présentes dans les archives, il n'en demeure pas moins qu'elles devaient être indispensables à l'ordonnancement du tout. Et quand on essaie un peu, ou pour ma part j'ai essayé un petit peu de réfléchir ces derniers temps sur cette question, et je pense que dans l'insertion de la femme dans ces travaux pluriactifs et même proto-industriels répond toujours à une logique qui est relativement simple. Premier cas de figure, la femme travaille en complément pour venir en complément au revenu de son époux. Auquel cas, c'est elle qui, par exemple, va tisser, va filer, dès lors que son époux ou ses enfants de sexe masculin travaillent au champ. Et quand le travail industriel, dirons-nous, a vocation à se substituer au travail rural, alors là, c'est l'époux qui va glisser du côté du tissage, par exemple, mais aussi d'autres activités. Alors là aussi, ça ne fonctionne pas, par exemple, de la même manière quand il est question des horloges, où la dextérité des femmes sera extrêmement appréciée. Il n'en demeure pas moins que, globalement, la répartition des rôles au sein d'une famille fait toujours de la femme la subordonnée de l'homme. C'est quasiment une constante. Et ce rôle, elle le joue même dans le cadre d'un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est essentiel, ce sont les migrations saisonnières. Quand, dans les régions de montagne notamment, mais pas uniquement, les hommes sont obligés de partir plusieurs mois travailler à la ville pour être, par exemple, maçon, je prends un exemple au vol, il est clair qu'elles vont tout assumer. Elles vont tout assumer, mais pour rentrer dans le rang, dès lors que les hommes vont arriver. Oui, Didier Terrier, la géographie est essentielle dans cette histoire-là. Vous venez parler de ce monde de la montagne. Effectivement, là, nous avons ici des zones où il y a un vrai développement de ce qu'on peut appeler le travail à domicile, en tout cas la pluriactivité des paysans, avec des déplacements saisonniers, le ramoneur, le maçon, vous l'avez évoqué. Et justement, en écho à ce travail dans ces zones de montagne, je vous propose la lecture par Élodie Hubert d'un extrait d'article publié en 1864 dans la Revue des Deux Mondes. Il s'intitule « Le travail et les mœurs dans les montagnes du Jura » et il est signé Armand Audigan. Ici, on gravit des pentes couvertes de pâturages où paissent des troupeaux de vaches dont le lait sert à la fabrication des fromages. Là, on se trouve en pleine forêt, au milieu des essences de bois si diverses qu'exploite la cognée du bûcheron. Une fabrication locale s'adaptait merveilleusement aux exigences locales, l'horlogerie. Elle avait l'avantage, durant la saison si longue où la neige et le froid entravent tout mouvement extérieur, de fournir un moyen d'occupation sous le toit domestique. En dehors de l'horlogerie et de ses dépendances, la lunetterie emploie environ 2000 ouvriers, soit dans des ateliers, pour la taille du verre et la confection des branches de lunettes, soit à domicile, pour l'ajustage des pièces. Quant à la division du travail, certaines applications y permettent également d'utiliser le concours des femmes et celui des enfants. Le plus souvent, c'est à domicile que s'exécutent, soit dans l'horlogerie, soit dans la lunetterie, les détails dont peuvent se charger des mains faibles et délicates. Le dimanche est le jour indiqué où les ouvriers viennent chez le fabricant chercher du travail en échange de celui qu'il rapporte. Pour éviter de trop fréquents déplacements, ils emportent d'ordinaire du travail pour une quinzaine et reçoivent à chaque voyage la rétribution qui leur est due. Élodie Hubert qui nous lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture l'extrait d'un article de 1864 de la Revue des Deux Mondes intitulé « Le travail et les mœurs dans les montagnes du Jura ». Dites-nous Didier Terrier, il est intéressant que ce texte date de 1864 sous le Second Empire, la France en plein dans la révolution industrielle. Et c'est vrai que les historiens ont regardé la révolution industrielle, mais comme souvent bien sûr dans ce que le phénomène a de plus marquant. L'usine immense, alors que dans ces années-là, il y a la conscience que l'industrie est partout. Alors, les années 1860 sont l'occasion d'un grand débat, notamment en France, entre deux polytechniciens, Chevalier d'une part et Leplay d'autre part. Le premier, Chevalier, pense que la meilleure des manières pour rivaliser avec l'Angleterre, surtout que le traité de libre-échange a été signé avec l'Angleterre en courant 1860, eh bien, la meilleure manière, c'est d'opérer une concentration et une mécanisation à marche forcée des productions. Et Leplay, lui, pense qu'au contraire, la stabilité sociale du pays exige que l'on conserve des campagnes bourrées d'industrie parce que l'ouvrier y est de bonne moralité et paisible. Oui, parce qu'il y a tout un aspect lié aux idées de Saint-Simon qui a une vision globale de la société. Tout est relié à tout et l'économie doit être reliée au bien-être. Et dès lors, l'intérêt porté sur les paysans et sur leur travail notamment est pris en compte par ceux qui pensent la société. Oui, mais le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. En Bretagne, par exemple, les tisserands peints par Paul Sérusier, ces tisserands sombrent dans une misère noire et ne parviennent pas à surmonter la concurrence des productions mécanisées. C'est exactement la même chose également dans le coton. En fait, l'explication est technique. Plus on travaille des fils fragiles et moins les mécaniques qui font des secousses ne parviennent à éviter, je dirais, les ruptures de fils. Le fil se casse. Plus, par ailleurs, le marché exige des toiles ou des tissus compliqués avec de la couleur, avec des fils multicolores. Et plus les métiers à bras là aussi, reste compétitif. Ça veut dire qu'il y a une compétition technique que l'on a longtemps ignorée et que l'on commence seulement à découvrir. Mais c'est intéressant cette compétition technique parce que elle a une incidence sur jusqu'au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui encore, dans des spécialisations et notamment celle du luxe. Voilà, à ceci près que ce sont des innovations incrémentales et que bien souvent, on n'a pas de source nous permettant de comprendre quelles sont les astuces, les petits bricolages qui ont permis aux gens qui tissaient à bras de tenir le choc. Oui, la question des sources est essentielle parce que les sources de l'entreprise existent, on peut les retrouver facilement. Mais là, votre objet d'étude, Didier Terrier, c'est ce monde d'un paysan, de sa famille. La source est beaucoup plus difficile à trouver. De quoi disposez-vous ? Vous nous avez évoqué qu'il y avait quelques pistes du côté de la vente des biens, des propriétés. C'est un paysan qui achète de plus en plus, on doit se dire, il s'enrichit, donc il y a bien une raison. Les sources, c'est une véritable question pour cette histoire. Les sources sont une question non pas complexe, mais une question qui peut rebuter le jeune historien. Parce qu'il faut effectivement se livrer à un travail de fourmi, à un travail où il faut cultiver le nom et le nombre. À savoir, d'abord produire une histoire par le bas, en s'attachant aux individus, en se reconstituant les familles, en reconstituant les parcours, la croiser avec les informations d'ordre de général dont on peut disposer par ailleurs. Et c'est cette histoire par le bas, parfaitement chronophage, qui nous autorise ensuite à parler justement de tous ces anonymes, dont bien souvent même le métier ou l'activité principale se dilue, parce qu'eux-mêmes ne se qualifient pas professionnellement nécessairement en fonction de leur activité principale. Quand il est question des hommes, les femmes, on en parle même pas, hélas, mais elles disparaissent, elles s'évanouissent totalement. Et j'ajouterai quand même un autre élément, ce sont les enfants. Toutes les lois du 19e siècle qui protègent les enfants ne sont absolument pas applicables dans les campagnes. Pour la bonne raison que tout enfant qui est sous l'autorité, placé sous l'autorité de son père, ne peut pas bénéficier de lois qui se substitueraient à l'autorité parentale. Et son autorité paternelle, depuis le code civil. Et c'est aussi un élément important parce que on va assister, par exemple, à des transferts de main-d'œuvre depuis l'usine jusqu'au travail à domicile, quand la loi se fera trop contraignante. Il suffira à un patron de faire travailler dans des ateliers de moins de 20 ouvriers, par exemple, les femmes ou les enfants qui s'y trouvaient, pour pouvoir les exploiter plus que de raison. Oui, et puis alors, dès lors, on peut poser dans ce que nous étudions, au-delà du champ économique que nous avons évoqué, au-delà même du champ de la société, de la réflexion sur les incidences sociales, la politique, et nous pouvons jeter un œil tout doucement sur ce qui se passe à Lyon où nous allons trouver les tisserands de soie, et oui, ceux qui, sur les machines à tisser, s'activent, ils sont chantés par Yves Montand, bien sûr, ce sont les Canuts. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Yves Montand qui chante les canuts. Donc nous sommes à Lyon, Didier Terrier. La révolte, la colère en tout cas de ce monde paysan appelé à travailler à domicile ou avec sa pluriactivité est quelque chose de concret au 19e siècle. En France, Lyon, la révolte des canuts dans les années 1830 est très documentée, mais pas seulement à Lyon. Non, pas seulement à Lyon et pas seulement dans les villes. En Angleterre, au début du XIXe siècle, ces révoltes ont accompagné également, je dirais, l'arrachement beaucoup plus brutal des populations rurales de la campagne, même si là encore, il faut aussi souligner qu'en Angleterre, le travail à domicile en milieu rural a perduré beaucoup plus longtemps qu'on ne sait longtemps plus à le croire. Oui, ça c'est important. À le diffuser, à le dire. Bien sûr, parce que le regard se porte sur autre chose, mais en fait, la réalité du quotidien de plein d'hommes, de plein de femmes, c'est reproduire des gestes du passé. Donc ça existe très longtemps encore. Et en Angleterre, alors je reviens à l'histoire du genre, avec par exemple des familles où la fille ou bien l'épouse allait travailler en usine pour permettre au mari qui était artisan de ne pas perdre sa dignité et de continuer à travailler à domicile. Oui. Quelquefois, cette violence quand même dans l'arrachement de ces populations, elle a aussi existé en Allemagne. Et en Allemagne, les Allemands ont conservé la mémoire d'une la grande révolte des tisserands de Silésie en 1844, qui est d'une certaine manière le point de départ emblématique de la construction du syndicalisme allemand et de l'histoire ouvrière allemande. Évidemment, de manière en grande partie mythique, puisque cette révolte a duré très peu de temps et a été férocement réprimée. Oui, une révolte qui montre l'aspect concret du vécu de ces hommes, de ces femmes, avec des contrastes saisissants. Didier Terrier, nous l'entendons, vous avez cité ceux qui pensent, Michel Chevalier, Frédéric Leplay, qui pensent le monde du travail, et puis la réalité de ces travailleurs. Pas toujours la même chose. Vous avez évoqué aussi ce contraste entre des continuités de modes de production et puis le regard porté par les historiens, souvent sur la grosse industrie. Ça a changé votre travail, vous, sur la proto-industrie, Didier Terrier. Mais votre thèse, c'est 1996, je crois. Et aujourd'hui, ça ressort. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que le contexte fait que vos travaux, qui ont quelques années, c'est pas si vieux que ça, mais voilà, reviennent au goût du jour. Vraie réflexion sur le travail à domicile. Je crois que d'abord, dans un premier temps, à la fin des années 90, on s'est demandé comment rebondir justement sur toutes ces questions. Et la solution est arrivée justement par les historiens des montagnes. Et qui ont montré qu'il pouvait y avoir justement ces formes de proto-industrialisation douce, et avec un autre élément. Mais alors là, on va bien au-delà du modèle mis en place par Franklin Mendels, qui est l'introduction dans les campagnes de l'électricité. Ah oui. L'électricité va changer considérablement le rapport, non pas tant à la fatigue qu'au travail. Je pense à un économiste du début du siècle comme Aftalion. Il s'est plu à décrire la minutie avec laquelle il y a une division des tâches qui s'opère dans la confection entre les villes et les campagnes. Une chemise, par exemple, pouvait très bien avoir les manches fabriquées dans tel village, le col fabriqué dans un autre village et les boutons posés dans un troisième village. Le tout dans la région lilloise, sous la houlette de donneurs d'ordre qui étaient à la ville. C'est absolument extraordinaire. Et c'est l'électricité qui va permettre à ce modèle pluriactif, alors qui ne sera plus pluriactif, qui sera monoactif, parce que ce sont des gens dont ce sera quasiment le métier, que ça s'insère ou non dans un cadre familial. Eh bien, c'est ce qui va lui permettre de connaître non plus une deuxième vie, mais encore une troisième vie, en quelque sorte. Par exemple, je peux vous dire que moi, mon enfance a été bercée par une grand-mère qui était corsetière à domicile. Voilà. Et qui pratiquait ce qu'on appelait le sweating system, le système de la sueur. Autrement dit, travailler beaucoup pour gagner peu. Et j'aime beaucoup que vous évoquiez cet aspect familial, Didier Terrier, car cela nous parle à nous tous, auditeurs, auditrices. Nous avons eu des grands-parents qui ont connu ce système-là. Et si nous regardons dans les armoires, nous voyons encore tout ce travail à domicile avec des draps brodés, avec de la dentelle. Il y avait un travail énorme. Je vous remercie vivement. Je rappelle votre ouvrage que vous avez écrit avec Corinne Mette, « Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale, 14e, 19e siècle ». Ça, c'est votre dernier ouvrage, mais Didier Terrier, il y a tout votre travail sur la proto-industrie. Et nous sentons, nous avons discuté un petit moment, mais que l'on pourrait tirer la discussion pendant des heures, tant cela englobe l'ensemble de la société, de l'individu, de la famille, de l'économie et de la politique. Merci beaucoup à vous, Didier Terrier. Merci. Et maintenant, nous allons partir à Caen. nous allons faire un petit tour au musée des Beaux-Arts avec Marion Dupont qui travaille pour le cours de l'histoire. Et Marion a été visiter l'exposition « Les villes ardentes » qui se tient au musée des Beaux-Arts de Caen. En 1877, le peintre Claude Monet installe ses toiles et son matériel dans la gare Saint-Lazare. La série d'une demi-douzaine de tableaux finira d'imposer les impressionnistes comme les véritables peintres de la vie moderne. Les structures métalliques, les panaches de fumée, les mutations de la ville composent une nouvelle grammaire du paysage qui se fait industrielle. Sur les toiles de Monet, au ras du sol, des silhouettes se détachent. Elles composent un flot mêlé de voyageurs et de travailleurs anonymes, en perpétuel mouvement. Le thème du travail dans les œuvres des impressionnistes et de leurs disciples est encore peu étudié. Pour en savoir plus, il faut monter dans le train à quai et se rendre au musée des Beaux-Arts de Caen. L'exposition « Villes ardentes, art, travail, révolte, 1870-1914 » et nous avons rencontré Emmanuelle Delapierre, directrice du musée et commissaire de l'exposition. Elle nous éclaire sur la façon dont les peintres ont regardé les travailleurs et les travailleuses, y compris celles et ceux à qui la modernité a intimé de rester chez eux. Cette exposition s'intéresse à la représentation du travail, tel d'abord que l'on peut le voir en bas de chez soi, dans la rue. C'est vraiment l'idée d'un spectacle ordinaire, d'un anti-pittoresque, avant évidemment de s'intéresser à la figure du travailleur et toute cette question de la visibilité ou de l'invisibilité du travail, toute la difficulté d'entrer dans les ateliers, les manufactures et les usines. Donc on a un long travail d'approche, paysage industriel, ports, chantiers urbains, avant d'arriver au cœur des ateliers. Alors il y a ce tableau de Paul Sérusier, et c'est un tableau qui représente un tisserand chez lui, dans sa masure. C'est vraiment une petite chaumière à peine éclairée, et très, très modeste, avec un sol de terre. Et dans cette pièce unique qui est sa pièce de vie et également sa pièce de travail, le tisserand, qui est un agriculteur, qui ménage là ce qu'on appellerait des fins de mois aujourd'hui, ou qui continue de travailler même l'hiver grâce à cela. Donc il a son métier qui est là au milieu de la pièce de vie et qui prend presque tout l'espace et qui est comme une énorme cage de bois, comme une espèce de monstre, de bête comme ça au milieu de l'espace, mais qui véritablement l'encage. Ce que je trouve très frappant et qui avait frappé Vincent Van Gogh, qui a séjourné longtemps dans ce qu'on appelait encore le Nord-Pas-de-Calais en 1880, et qui ensuite, 3 ans plus tard, est allé à Nuenen, et qui a réalisé 10 tableaux et 16 dessins autour de la figure du tisserand. Et il était absolument fasciné par leurs gestes mécaniques. Il les décrit comme des somnambules. Et de fait, c'est vrai que là, il y a quelque chose comme une absence de cette figure à tout ce qui l'entoure. Il est complètement happé par ce geste mécanique, automatique, et par ce lien, comme ça, entre lui et la machine. Là, nous arrivons dans l'atelier, la manufacture ou l'usine, à travers des œuvres qui témoignent à la fois du travail à domicile et du travail dans l'usine. Les deux types de représentations sont mêlés parce qu'ils correspondent à deux réalités qui sont enchevêtrées et qui même sont en quelque sorte dépendantes l'une de l'autre. Elles ne s'opposent pas. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un retour à une production à la campagne, parce qu'il va y avoir une surproduction de fils. Et donc, pour absorber cet excédent de production, on va remettre les campagnes au travail. Donc, il y a un retour vers la proto-industrie dans le domaine de la production textile qui voit le jour au 19e siècle. Donc, non seulement ce n'est pas un archaïsme, ça ne s'oppose pas au développement industriel, mais même ça y contribue. Dans beaucoup de tableaux de cette salle, c'est vraiment des figures isolées, seules et souvent dont on ne voit pas le regard. Qu'est-ce que ça dit sur la réalité de ce travail à domicile ? Ça montre que espace de travail et espace de vie ne font qu'un, que le travailleur utilise donc et son espace de vie et aussi son outil de travail, c'est-à-dire que c'est lui qui pourvoit à tout cela. Ça montre la très grande misère dans laquelle ils vivent, très grande misère à laquelle les artistes sont de plus en plus sensibles et qu'ils tiennent à représenter. Ça contribue aussi à une forme de modernité en peinture. Et certains critiques, notamment Louis Duranty dans les années 80, avaient invité à représenter les hommes et les femmes sur leur fond d'appartement, il appelait ça. Donc montrer la femme qui repasse chez elle, montrer le négociant en coton dans son bureau, voilà, montrer la réalité dans laquelle s'inscrit le travail. Celles qu'on oublie ont les yeux rougis par la fatigue et l'éveil. Dans leur misérable et triste logis, leurs doigts légers font des merveilles. Dans ce grand rucher qu'est notre pays, où les modes sont sans pareil. Celles qu'on oublie, chanson de Xavier Privat, 1913. Dites-nous, patron, quels sont les profits qu'en tirent ces pauvres abeilles ? C'est un salaire de misère que vous leur donnez, ô patron. Il faut relever ce salaire afin qu'un peu de joie éclaire ces pauvres fronts. Celles qu'on oublie ont faim. Celles qu'on oublie ont droit à la vie. Donnez-leur du pain. Il y a très probablement tout un faisceau d'éléments qui expliquent l'intérêt d'Edgar Degas pour la figure de la repasseuse, pour celle de la blanchisseuse aussi, puisque ce sont effectivement deux figures qui reviennent à maintes et maintes reprises sous son pinceau, mais aussi devant son appareil photo ou qu'il a traduit en gravure de la même manière. La blanchisseuse, elle traverse les rues avec son ballot de linge sous le bras, elle est visible. Elle lave son linge dans la Seine aussi. Donc c'est une figure du Paris populaire qui est extrêmement, extrêmement visible, ce qui est beaucoup moins le cas de la repasseuse, qui soit travaille chez elle, soit travaille dans des petits ateliers qui se développent à partir dès les années 1860-1870. Et dans un premier temps, Edgar Degas s'intéresse presque exclusivement aux blanchisseuses, et puis après ça va être l'inverse. Ça va être les repasseuses. C'est difficile de savoir pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça pointe chez lui son intérêt pour les sujets modernes et avec une modernité sociale. C'est vraiment la figure du travailleur populaire, du petit travailleur. Et puis c'est aussi toute la question du rapport à une matière, d'une proximité à cette matière-là, à une surface qui est une surface textile, de toile. Donc est-ce qu'il y a une espèce de parenté entre la figure de la repasseuse et celle du peintre ? Le peintre est devant sa toile, comme la repasseuse est aussi devant le linge qu'elle repasse. Et puis les silhouettes se détachent un petit peu sur les... Il y a toujours des draps pendus quelque part dans la pièce et elles se découpent dessus. Oui, il y a un très beau jeu, alors là c'est le bonheur du peintre, il y a un très beau jeu entre les bras nus effectivement et à l'inverse, la table aussi, la table, c'est très important, la table à repasser ou le métier, l'établi, qui souvent est au premier plan ou au centre. Il y a certains tableaux, notamment un tableau très peu connu d'une femme qui vivait à Limoux, qui s'appelait Marie Petier, un tableau où la table fait vraiment penser à certaines représentations de la Seine, une table recouverte d'un tissu, d'une nappe blanche marquée de plis. Et donc il y a effectivement, en dehors des bras et des plateaux lisses de la table, des jeux de drapés, de plis, de draps tendus, de foulards ou de châles autour du cou, de tabliers, de grandes jupes. Il y a toute cette fascination pour ces jeux de matière, de tombées. Et quant au tableau montrant les deux repasseuses, il est peint sur une toile assez grossière, au tissage assez lâche. Et la peinture ne recouvre pas. À certains endroits, on voit la toile nue. Il y a une matité aussi dans cette matière-là qui fait penser presque à un travail de pastel. Et donc, il y a quelque chose qui, à dessein, recherche là aussi une forme de modernité dans le fer, dans la manière. Et donc, le fer du peintre